L'Évangile de Luc. Chapitre 1. Excellence. Plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. Et maintenant, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début et il m'a semblé bon d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme s'appelait Élisabeth et était une descendante d'Aaron le grand prêtre. Ils étaient tous deux justes devant Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth ne pouvait en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors, à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et la crainte le saisit. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le moment de sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il s'avancera lui-même devant Dieu avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des hommes justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux, et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet et tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put leur parler, et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant les hommes. » Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, qui était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui Dieu a accordé une grâce particulière. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu vas devenir enceinte, et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera sur le peuple d'Israël pour toujours. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, bien qu'elle soit âgée. On disait qu'elle ne pouvait avoir d'enfant et elle en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. À cette même époque, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant remua au-dedans d'elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru que ce qui t'a été annoncé de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit alors, « Mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant les humains de tous les temps me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il aura pitié dans tous les temps de ceux qui le craignent avec respect. Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé des rois de leur trône, et il a donné une place élevée aux humbles. Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches, les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. » Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le moment arriva où Élisabeth devait avoir son enfant et elle mit au monde un fils. Les voisins d'Élisabeth et les membres de sa parenté apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté et ils s'en réjouissaient avec elle. Quand l'enfant eut 1 semaine, ils vinrent pour le circoncire. Ils voulaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » Mais il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom, lui dirent-ils. Alors ils interrogèrent par geste le père pour savoir comment il voulait qu'on nomme son enfant. Zacharie demanda une tablette à écrire et il y écrivit ces mots, « Jean est son nom ». Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Alors tous les voisins furent saisis de crainte et dans toute la région montagneuse de Judée, l'on se racontait ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler se mettaient à y réfléchir et se demandaient « Que deviendra donc ce petit enfant ?» La puissance du Seigneur était en effet réellement avec lui. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces mots « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il a porté son attention sur son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous parmi les descendants du roi David, son serviteur. » C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent, qu'il manifesterait sa pitié à nos ancêtres et se souviendrait de sa sainte alliance. Car Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre de le servir sans peur pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Dieu Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il le sauvera en pardonnant ses péchés. Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il demeura dans des lieux déserts jusqu'au jour où il se présenta publiquement devant le peuple d'Israël.